Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans OST, votre magazine qui vous parle de jeux vidéo, mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble pour la cinquième émission, et comme à chaque fois, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Salut Romain. Alors aujourd'hui, on va commencer une mini-série, une mini-saga, puisqu'on va vous parler en fait d'un studio. On va mettre le projecteur sur un studio indépendant qui s'appelle Amanita Design. Donc on va vous présenter deux de ces jeux et on commence par le premier donc, qui s'appelle Machinarium. Alors, vous venez d'écouter le morceau The Sea, qui est donc tiré de la bande originale du jeu Machinarium. Donc Machinarium, c'est un jeu indépendant qui a été développé par le studio tchèque Amanita Design, avec comme chef de projet Jakub Vrotsky. Alors, on est désolé d'avance pour toutes les prononciations de noms, c'est des noms tchèques, donc on n'est pas très habitué et c'est pas simple à prononcer. Donc, le studio tchèque Amanita Design a déjà réalisé les jeux Samorost 1 et 2. Machinarium, c'est en fait le jeu qui les a un peu fait sortir de la lumière, on va dire. Il est sorti en 2009 et il est réalisé en Flash, donc c'est un langage en fait de code qui est beaucoup utilisé notamment sur internet. Donc tous les petits jeux que vous avez fait sur votre navigateur pendant que vous êtes au boulot et que vous devriez travailler, ce sont souvent des jeux en Flash, et donc celui-là est entièrement réalisé avec ce langage. Alors l'histoire de Machinarium, en fait on parle d'un petit robot qui est expulsé de sa ville métallique et dont la petite amie a été enlevée par des méchants, des gros vilains. Votre but est bien évidemment d'aider ce petit automate à retrouver sa dulcinée. Un scénario que l'on va découvrir tout au long de notre parcours à l'aide de bulles narratives, oui un petit peu comme en BD, et qui va nous dévoiler petit à petit l'histoire des différents personnages que l'on va rencontrer dans Machinarium. Au niveau du gameplay, Machinarium, c'est ce qu'on appelle un point and click, donc ça ressemble à To The Moon, le premier jeu qu'on vous a présenté dans OST. Donc le but est simple, c'est avec votre souris, vous allez interagir et cliquer en fait sur différents endroits pour faire avancer l'histoire, et la plupart du temps, ce sont des jeux qui se basent beaucoup sur les énigmes, et donc Machinarium en est friand, et c'est comme ça que vous allez pouvoir résoudre les obstacles et faire avancer notre petit robot pour qu'il puisse retrouver d'abord sa ville et ensuite retrouver sa copine. Je pense que maintenant vous commencez à avoir une idée idée un petit peu plus précise de ce qui se passe dans le jeu Machinarium. On va vous parler du coup un peu plus précisément cette fois du compositeur de la musique, de la bande originale, qui s'appelle Tomáš Dvořák. Il est clarinettiste de formation et son nom de musicien, on l'appelle Floex sur scène. Il compose de la musique électro-atmosphérique. Alors, Kezako, la musique atmosphérique, enfin, c'est ce qu'on pense. A priori, ce sont des sons, il crée des sons électroniques, donc pour électro, qui après se rapprochent plutôt d'une atmosphère, d'une ambiance. Il va utiliser ces sons électroniques pour créer une ambiance et une atmosphère. Du coup, on appelle ça une musique électro-atmosphérique. Il a composé 2 albums solo. Après, il est plutôt porté sur d'autres projets, je crois. Évidemment, effectivement. Alors, 2 albums solo, en plus, ils ont 10 ans d'écart, donc ça prouve qu'il a mis du temps et surtout, il a fait d'autres choses parce que c'est un homme qui réalise beaucoup de projets et surtout pluridisciplinaire. Donc, il a fait pas mal pour des expositions. Il est aussi connu en République tchèque, pour les performances musicales qu'il réalise. Donc, il est connu surtout pour être plurimédia et pluridisciplinaire. Et il est aussi maintenant connu parce qu'il est en collaboration avec Amanita Design. Donc, il a déjà fait la BO pour Samorost 2 et Machinarium, et bientôt pour Samorost 3, donc qui est le prochain jeu d'Amanita qui devrait pas tarder à sortir. On enchaîne maintenant avec l'analyse de la bande originale, c'est pour ça qu'on est là, donc avec le premier morceau qui s'appelle The Bottom. Thank you. Alors, dans ce morceau-là, justement, on a vraiment ce qu'on entend dans le mot machinarium, les machines. Là, on a vraiment l'ambiance métallique qu'on peut retrouver dans toute la bande originale de Machinarium. Donc, on n'entend pas d'éléments naturels, en fait. On a vraiment cette ambiance métallique qui transparaît par les sons électroniques. On n'a pas d'instruments acoustiques, en tout cas pas dans ce morceau-là, et dans la plupart des autres morceaux, on en trouve très très peu. Donc on a surtout des sons électroniques où le compositeur est venu travailler plutôt quelque chose qui va dans le sens de la percussion électronique. Et il va travailler vraiment sur tous les sons différents, il a une grande palette de sons à sa disposition, ce qui lui permet d'aller chercher des percussions très attaquées, d'autres beaucoup moins, avec des aigus, des graves. Voilà, il a vraiment énormément de choses qui lui permettent de ressortir ce son métallique. Il y a également, donc, on vous a parlé d'électro atmosphérique pour parler de la musique de Tomáš Dvořák, et là c'est vraiment ça qui est retranscrit, je trouve, dans ce morceau The Bottom, donc avec une musique très planante qui s'explique surtout parce que, en fait, les sons n'ont pas d'attaque. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'avoir l'attaque d'un son. C'est quand en fait, par exemple, vous voulez jouer de la guitare, en fait, pour que le son puisse arriver, il faut faire un geste d'attaque, c'est-à-dire tout simplement, en fait, tirer sur la corde pour que le son puisse arriver et qu'ensuite il y ait la résonance. Alors que là, en fait, tous les sons qui sont dans ce morceau, ou quasiment tous les sons qui sont dans ce morceau, peut-être hormis les percussions, en fait, ce son fait sans geste d'attaque. Donc on a juste la note et sa résonance, mais il n'y a pas vraiment de coup sec qui note le départ, en fait, de la note. Donc ça donne une impression, voilà, un peu éthérée, comme ça, un peu vague, qui marche plutôt bien et du coup qui donne vraiment cette atmosphère planante. Et oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait entendre, nous, dans la langue française, si on décidait de ne plus utiliser les consonnes qui nous permettent d'attaquer chaque mot et qui donne aussi voilà, un côté un petit peu plus percussif. Et là, justement, les attaques n'y sont pas. On parle en voyelle. Il y a aussi un autre élément du morceau qui a attiré notre attention, c'est un petit passage, en fait, d'une vingtaine de secondes où les autres instruments, en fait, se retirent un petit peu, ou sont en tout cas plus en retrait. Et il y a une espèce de son que nous, on a trouvé ressemblant à une voix, en fait, comme si un robot essayait d'un seul coup de chanter et de nous offrir un petit peu, voilà, une petite chanson au milieu du morceau. On vous fait réécouter ça tout de suite et après, on va tout de suite enchaîner avec un nouveau morceau. Voilà notre petit robot qui se met à chanter dans la musique The Bottom. Et on continue du coup avec un peu les chansons de robots, vous allez comprendre pourquoi, avec un nouveau morceau qui s'appelle Clockwise Operetta. Et justement, dans ce morceau, donc, qui ressemble à... Oui, en tout cas, il y a Operetta, donc on peut penser à Opéra, en tout cas, dans le titre. Il y a un chant de robot, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus mis en avant et vraiment, il interprète une chanson au beau milieu du morceau. Donc c'est vraiment ça qui nous fait penser à un opéra. Vous allez pouvoir écouter ça après. Mais il y a encore d'autres choses à dire sur le morceau. Tout à fait, et d'ailleurs vous pourrez après bien tendre l'oreille pendant qu'on vous passera le morceau. Donc on a le chant du robot qui se passe plutôt vers la fin de Clockwise Operetta. On a aussi beaucoup d'instruments cette fois différents de ceux qu'on a pu entendre dans The Bottom. Cette fois on a des instruments, on peut distinguer en tout cas les sons d'un piano qui serait presque acoustique, ainsi que d'une clarinette. Je vous redis que le compositeur est clarinettiste de formation, donc là on entend bien son instrument qui ressort par rapport aux autres de façon acoustique, et on a aussi un son de cordes frottées. Alors cette fois ce serait plutôt un son électronique qui voudrait rappeler les cordes frottées qu'on utilise la plupart du temps dans les orchestres symphoniques, et voilà, dans un opéra, qu'est-ce qu'on utilise ? Un orchestre symphonique. Dernier élément qui nous a aussi marqué, en fait, dans cette musique, dans ce morceau, c'est, on vous a parlé donc là beaucoup de l'opéra avec justement les instruments bien identifiés et le chant, mais il y a aussi l'autre mot du titre qui est clockwise, donc qui est l'horloge, et là on peut entendre, c'est plutôt vers la fin du morceau, vous écouterez bien, où il y a vraiment un rythme qui fait penser à un tic-tac d'une pendule qui ne s'arrête pas. Et il y a également un autre élément qui va dans ce sens, c'est qu'à la toute fin, en fait, on reprend le motif du début, et donc il y a une espèce de boucle temporelle, en fait, qui se met, et vraiment on entend bien le début de la nouvelle boucle, si vous voulez, à la fin du morceau. Donc on écoute tout ça, tendez bien l'oreille pour écouter Clockwise Operetta. Dans cette version assez étonnante d'un petit opéra, vous avez donc entendu, j'espère, le chant du robot qui arrive plutôt vers la moitié, deuxième tiers en tout cas de ce morceau. Et justement, tout le long, tout ce qui se passe avant d'arriver jusqu'au chant, ça ressemble vraiment à une ouverture comme on fait dans les opéras, où c'est que l'orchestre d'habitude qui joue. Et ça, ça peut durer vraiment très longtemps jusqu'à ce qu'on ait enfin le premier air du soliste. Et là, c'est un petit peu le cas. En plus, l'air n'est pas très très long du chanteur. Et c'est juste pour le mettre en valeur, justement, ce passage chanté. On continue notre analyse de la bande originale de Machinarium. Et du coup, cette fois-ci, on va aller dans un endroit particulier de la ville des robots, puisqu'il s'agit d'une serre, en fait, d'une verrerie, et donc avec le morceau « Glasshouse with Butterfly ». Thank you. Dans ce morceau très doux qu'est Glass House, on retrouve beaucoup de bruitage cette fois. Les sons sont utilisés pour bruiter la musique et qui nous plonge dans un décor un peu particulier, justement, qui se rapproche plus des sons naturels. On entendrait presque le vent, les feuilles craquer. Alors, ça parle aussi de papillons, cette musique, donc peut-être les battements d'ailes des papillons. On imagine vraiment bien tout ce que Tomasz Dvorak veut nous faire entendre dans sa musique. On entend même une sorte de vinyle qui craque. Ça rend les choses un petit peu plus vivantes que ce qu'on a pu entendre dans les autres morceaux. Oui, et vous avez pu noter là vraiment l'importance du piano qui est vraiment mis en avant et qui en fait est vraiment la base du morceau. Enfin, quand le piano arrive, c'est vraiment une autre musique qui démarre. Et donc il est vraiment mis en avant et ça accompagne en fait cette tranquillité, cette sérénité qu'il y a dans ce lieu qui est vraiment très particulier dans la ville des machines, parce que dans Machinarium, vous verrez quasiment aucune plante à part en fait dans ce lieu. Donc voilà, il y a vraiment une ambiance très particulière, une atmosphère très particulière qu'a bien réussi à mettre vraiment Tomasz Dvorak avec les bruits d'eau, le vent, enfin voilà, tout ce que tu as dit. Et donc vraiment, c'est un morceau assez atypique finalement dans la bande originale de Machinarium. On continue notre analyse encore une fois, et cette fois on va se diriger vers le château. Donc là on arrive vers la fin du jeu finalement, dans les derniers niveaux, et donc on arrive au château, et c'est encore là aussi une musique un peu particulière, parce qu'elle a encore une autre ambiance, mais je laisse Emeline vous en parler un peu plus. Et justement, on vous en parle un petit peu plus maintenant pour vous préparer encore cette fois à l'écoute du morceau qui va venir. Vous avez sans doute l'habitude d'entendre un morceau avec une mesure à 4 temps. Alors, la mesure à 4 temps, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous pouvez compter 4 temps et après vous sentez que vous revenez au début d'une nouvelle phrase. Voilà, quelque chose qui se répète tous les 4 temps, tous les 2 temps. C'est souvent quelque chose de très binaire. Là, je peux vous le compter. D'ailleurs, ça donnerait ça 1, 2, 3, 4, 1. Et c'est facile pour tout le monde de se retrouver sur le premier temps. En tout cas, c'est facile pour la plupart d'entre nous de se retrouver vraiment sur un premier temps dans une mesure à 4 temps. Exceptionnellement, dans The Castle, c'est une mesure à 5 temps. Donc cette fois, vous allez compter pas 4, mais 5, et ça donnera ça. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça fait quelque chose d'un peu plus bancal. En fait, on n'est vraiment pas habitué à ça en Occident. Dans la musique occidentale, d'habitude, on passe à 4 temps, comme je vous ai dit. Et donc là, on va se retrouver avec une boucle de 5 notes, donc une note par temps. Et ça va nous donner quelque chose de mystérieux et d'un peu inquiétant qui va vraiment découler de cette mesure tout à fait bancale. Et particulière. Ouais, vraiment, c'est une boucle qui va résonner vraiment tout au long du morceau. Et pour la mettre encore plus en avant, il va y avoir un crescendo de cette boucle. Donc elle va jouer de plus en plus fort. Et elle va même jouer tellement fort qu'à un moment, en fait, il va y avoir des interférences. Donc il y a vraiment une tension qui monte petit à petit. Et d'un seul coup, en fait, même la musique n'arrive plus à sonner correctement. Et donc il y a des parasites, en fait, qui viennent s'accrocher aux notes. Et donc à un moment, la tension est vraiment à son comble. Et même la musique, en fait, n'arrive plus à sonner avec ça. Il y a un genre de saturation en fait dans le son. Voilà, et donc ça donne cet effet vraiment inquiétant et ça renforce ça pour juste un tout petit élément vraiment que vous pouvez entendre de temps en temps dans le morceau. Il y a un instrument qui nous rappelle aussi qu'on est dans un château, donc on est un peu monté entre guillemets d'une classe sociale. Vous allez pouvoir entendre quelques notes de clavecin, logiquement, donc pour rappeler un petit peu entre guillemets la noblesse du lieu. Et donc maintenant, voilà, tendez l'oreille et essayez de compter un petit peu les temps pour voir cette boucle et écouter cette boucle dans la musique The Castle. Alors là, on sort vraiment de cette ambiance très mystérieuse avec encore des bruitages qu'on retrouve à la fin de Castle. Ah, c'est déconstruction totale vraiment des notes et à la fin ça ressemble plus à rien, c'est juste des bruits en fait. Et là on a un peu coupé en plus le morceau donc ça dure encore longtemps comme ça, avec il y a au moins 1 minute entière où avec juste ces bruitages pour vraiment laisser planer encore cette ambiance mystérieuse. On continue et donc là on termine d'ailleurs, oui, avec le dernier morceau qu'on vous présente de la bande originale de Machinarium, avec un morceau un petit peu atypique, on va dire, dans cette OST. On s'écoute tout de suite Robot Band Tune et on en parle juste après. Thank you. Et voilà le morceau Robot Band Tune, donc qui est le dernier morceau qu'on vous présente dans la BO de Machinarium. Alors Emeline. Donc ce morceau est assez atypique, comme disait Romain, parce qu'en fait il fait partie des seuls acoustiques où tous les instruments sont des sons immédiatement repris, des sons originaux. Donc là, vous avez pu entendre un saxophone, un didgeridoo et une percussion qu'on a analysée comme un grand tambour en métal, en fait. Ce sont donc ces trois instruments que vous retrouvez après dans le jeu. Voilà, en fait, ce sont trois robots qui vont jouer de ces instruments dans la ville et dans la place principale, en fait, que vous allez visiter dans Machinarium. Et donc, en fait, ça fait partie du jeu, c'est une des énigmes, en fait, du jeu Machinarium pour pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, aider ces instrumentistes à réparer, en fait, leur instrument. Donc, par exemple, pour le didgeridoo, il faut chasser une souris qui s'est logée, en fait, dans l'instrument. Et pour le saxophoniste, il faut retrouver, en fait, ses clés de son instrument pour qu'il puisse jouer. Et donc, en fait, c'est vraiment aux joueurs de trouver les différents outils en fait, pour réparer ces instruments. Et donc ensuite, au fur et à mesure, dès que vous retrouvez les clés du saxophone, ils jouent une petite mélodie. Et une fois que les trois instrumentistes sont prêts, ils vous jouent le morceau que l'on vient de vous faire écouter. Donc c'est un morceau en fait, qu'on appelle intradiégétique. Donc c'est notre nouveau terme à la mode. Hein. On le place une fois par émission, c'est notre marque. Et donc c'est un morceau intradiégétique parce qu'il est écouté donc, par le joueur, mais aussi par les personnages dans le jeu. Donc votre petit robot va se mettre à danser, par exemple, quand il entend le morceau, et il y a surtout une vieille dame, enfin une vieille dame, hein, une vieille madame robot, qui en écoutant la musique, en fait, commence à s'énerver et va lancer, en fait, sa radio à travers sa fenêtre pour faire taire les musiciens. Et évidemment, la radio, c'est un élément que vous allez devoir récupérer et utiliser, en fait, après dans le jeu. Donc c'est vraiment partie intégrante, en fait, du jeu pour pouvoir avancer dans l'histoire. Il faut faire jouer la musique, il faut de la musique pour pouvoir avancer. Et on va sans doute vous reparler très souvent de musique intradiégétique, parce que quand on analyse une musique en général, une bande originale de film ou de jeu vidéo, peu importe, c'est toujours très important pour nous de mettre en avant une musique que le compositeur et la personne qui a créé le jeu, ils se sont dit tous les deux, ben tiens, celle-là, le joueur va, enfin, on va vraiment l'intégrer au jeu. Et ça lui donne tout de suite une place très importante. Effectivement. Alors, on s'approche du coup de la fin de l'émission, parce que là, on va conclure sur la bande originale donc, de Machinarium. On vous passe un petit morceau et ensuite, on vous fait notre petite conclusion personnelle. Voilà ce morceau qui s'appelle The End Prague Radio, donc Prague pour nous resituer un peu parce que le studio est en République Tchèque. Et donc c'est un morceau là aussi atypique puisqu'il est encore une fois acoustique et ce que vous avez entendu au tout début du morceau, c'est donc un robot en fait qui est animateur radio et qui nous présente le morceau en fait avant de le jouer. Alors, Machinarium, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bah voilà, on va vous dire d'abord ce qu'on a pensé du jeu avant de vous parler de la musique. Machinarium, c'est un jeu assez marquant finalement quand il est sorti en 2009 parce que c'est vraiment un petit jeu qui a réussi à se faire une réputation finalement et le bouche à oreille a très bien marché pour ce jeu. Et c'est vraiment lui qui a permis à Manita Design, le studio, en fait, de prendre son envol et d'être en tout cas reconnu comme un studio qu'il faut suivre désormais et donc il a été marquant pour ça. C'est un jeu qui est très bon par son ambiance vraiment. Et l'atmosphère qu'il dégage, assez unique, assez incroyable de voir cette ville complètement robotique dans tous les sens et en même temps pleine d'humanité avec les personnages qu'on peut voir. Voilà, l'histoire tient sur un ticket de métro, mais en même temps les personnages sont assez rigolos et attachants pour qu'on ait envie de continuer. Et surtout, donc, c'est un très bon jeu d'énigmes. Si vous aimez vraiment faire chauffer vos méninges, ça va vous plaire vraiment énormément. Et pour ceux qui n'aiment pas trop, c'est pas non plus impossible à faire, c'est pas le plus dur de sa catégorie, on va dire. Donc faut pas non plus avoir peur, il est quand même accessible et il vous donne pas mal d'indices pour pouvoir progresser dans l'histoire. Donc Machinarium, si vous voulez écouter la musique évidemment, allez-y, mais si vous voulez jouer au jeu surtout, on vous le conseille, il ne coûte en plus pas très très cher. Donc si vous voulez vous essayer à ce petit jeu avec ce petit robot, évidemment on vous dit foncez. Alors au niveau de la musique, Emeline, qu'est-ce qu'on en dit ? Alors nous, on a trouvé la musique vraiment très très bien. On adore la réécouter pour se replonger toujours dans cette ambiance. C'est-à-dire que la musique a vraiment réussi à retracer, en tout cas le compositeur, a réussi à nous intégrer directement dans l'ambiance du jeu avec ses sons, ses sonorités électroniques qui font penser à cet univers de métal, de Machinarium. Et c'est vraiment très très bien réinterprété, refait, grâce à sa dextérité à manier les sons électroniques. Il est vraiment très très fort pour coordonner donc tous les samples qu'il ramène en fait et pour faire vraiment une atmosphère vraiment unique. Petite critique, on va dire, entre guillemets, c'est très léger, c'est juste que si vous écoutez uniquement la bande originale sans jouer au jeu, il y a quand même pas mal de morceaux où vous allez un peu vous ennuyer, entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux de vide. Donc c'est pour retranscrire l'ambiance, encore une fois, parce qu'on est vraiment dans un désert, et il y a uniquement cette ville qui est là au milieu, et c'est une ville de robots et de métal, donc c'est quelque chose d'assez froid. Mais si vous écoutez uniquement la musique, il y a parfois quelques morceaux, vous allez un peu décrocher, parce que tout simplement c'est long, et il ne s'y passe pas forcément grand-chose. Pour ce qui est du compositeur, pour revenir un petit peu sur notre cher Tomasz Dvořák, en fait, c'est très intéressant de voir que le studio en fait, Amanita Design, qui avait déjà travaillé avec lui hein, pour Samorost 2, l'a vraiment repêché et vraiment, l'a vraiment choisi pour son style. C'est-à-dire que quand vous allez écouter la BO de Machinarium, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez écouter ce que fait donc Floex sous son nom d'artiste, et vous allez voir en fait qu'il a quasiment pas changé son style, il s'est pas du tout adapté à la composition parce que c'était un jeu vidéo ou parce qu'il fallait faire autre chose. On a donc terminé avec Machinarium et l'analyse de sa bande originale et aussi notre petite conclusion. Évidemment, vous connaissez maintenant notre passage obligé de chaque émission, c'est le moment du niveau bonus. Alors, dans ce niveau bonus, donc, nouvelle thématique, on a eu les zombies et autre chose. Et là, ce coup-ci, on va parler flibustier, moussaillon et rhum, évidemment, parce qu'on va parler des pirates. Les pirates sont nombreux et il y en a beaucoup dans le jeu vidéo, ils sont très présents. Et c'est Emeline qui ouvre le bal. Alors Emeline, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Je vais donc vous parler du jeu Sid Meier's Pirates, qui a été développé par donc Sid Meier en 1987. Moi, je connais la version qui a été plutôt refaite en fait en 2004. Un remake. Merci Romain. En 2004, le jeu est donc à ce moment-là tout en trois dimensions. Et je pense maintenant qu'il pique un peu moins les yeux que celui de 1987. Sid Meier, vous savez, c'est celui qui a créé la série de jeux Civilization. Et à ce moment-là, Sid Meier's Pirates était un super jeu pour s'éclater avec les flibustiers. Thank you. Voilà donc pour le thème principal en fait du Sid Meier's Pirates, donc sorti en 1987 avec donc un remake en 2004. Alors c'est à mon tour de proposer un morceau et on va retourner un peu plus loin dans le temps que 2004 en tout cas. On va arriver en 1990 avec un jeu développé par LucasArts, donc la boîte de George Lucas évidemment, qui était surtout renommé pour des grands jeux d'aventure en fait, avec notamment les développeurs Tim Schafer et Ron Gilbert, avant que George Lucas décide de se baser sur une petite licence qu'il avait créée avant qui s'appelle Star Wars. Voilà, il y avait beaucoup de jeux qui ont été faits dans ces eaux-là, et c'est vraiment l'âge d'or du jeu d'aventure. Et donc, il y a un jeu mythique avec des pirates, et évidemment, ça s'appelle Monkey Island. Alors, exceptionnellement, dans ce niveau bonus, on va vous faire écouter un troisième morceau, cette fois de la licence Assassin's Creed. Il s'agit du quatrième, en fait, volet, qui s'appelle Black Flag. Et comme son nom l'indique, donc drapeau noir, c'est un quatrième épisode de la série qui parle des pirates. La série a commencé en 2007 et celui-ci est sorti donc 6 ans plus tard, en 2013. Cette fois, donc, comme je vous le dis, on est centré sur les pirates et donc sur leurs chansons à boire, à garder la pêche pendant le voyage. Et là, on vous passe une de nos préférées. Now you're ready to sail for the horn. Hey, hey, roll and go. Our boots and our clothes, boys, are all in the pawn. To be rollicking, randy, dandy, oh. Heave a pawn, oh, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be rollicking, randy, dandy, oh. Hey. Soon we'll be warping her out through the locks. Way, hey. Where the pretty young girls all come down in their frocks. To be rollicking, randy, dandy, oh. Heave up, all, oh, heave away. Hey, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be rollicking, randy, dandy, oh. Come breast the bars, bullies, heave her away. Way, hey, roll. Soon we'll be rolling her down through the bay. To be rollicking, randy, dandy, oh. Heave up, all, oh, heave away. Way, hey, roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be rollicking, randy, dandy, oh. Vous pouvez donc entendre ce chant-là quand vous êtes sur votre bateau en tant que capitaine dans Assassin's Creed Black Flag, et qui est quand même une des musiques très bien réussies de la bande originale et qui donne envie d'en réécouter encore plus. Et ça tombe bien, vous pouvez en trouver encore plus sur Internet. On a terminé pour cette cinquième émission d'OST. Voilà, on arrive à la fin, donc sur Machinarium. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission, évidemment. Merci beaucoup, Emeline. Merci à toi, Romain. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver Facebook, Twitter, YouTube, o.s.t si ça vous intéresse. On espère que l'émission vous a beaucoup plu, autant qu'à nous de la faire, évidemment. Donc on se retrouve dans un mois et on vous souhaite un bon dimanche, évidemment, sur les ondes de Radio Dijon Campus. Salut ! Salut !